بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. مرحبا بكم أيها الإخوة. نتأمل اليوم في سورة الشرح. Aujourd'hui, on va méditer sur la sourate intitulée, la sourate appelée الشرح. وهي سورة مكية. C'est une sourate qui a été révélée durant la période mécoise. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit après le basmala, Alam nashrah laka sadrak. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Wa wada'na 'anka wizrak. Et ne t'avons-nous pas déchargé de ton fardeau? Alladhi anqadha dhahrak. Ce fardeau qui accablait ton dos. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Et nous avons élevé ton nom et ta renommée. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine. ذكرنا سابقا أن مثل هذه الأسئلة ترد كثيرا في القرآن. On a cité précédemment que ce genre de questions reviennent souvent dans le Coran. Et ce n'est pas une question, comme certains disent, toute question qu'il y a signifie que le questionnaire ne connaît pas la réponse. Non. هنا قالت العلماء المعنى هو سؤال تكريري. C'est une question pour affirmer quelque chose. C'est-à-dire, Elam nashrah laka sadrak, ay qad sharahna laka sadrak. Ce qui est voulu par ce passage, par cette question, c'est certes, nous avons ouvert pour toi ta poitrine. Fallahu tabaraka wa ta'ala nawwara sadrahu wa wassa'ahu. لِحُكْمِهِ تَعَالَى الشَّرْعِي وَالْقَدَرِي. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a ouvert la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a illuminé et il a fait en sorte que cette poitrine accepte le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Que ce soit le décret religieux, que le prophète accepte la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou alors le décret lié au destin d'Allah tabaraka wa ta'ala. بعض الناس لا تجد قلبه متبعا أو متسعا يقبل الشرع. Certaines personnes, tu vois que leur cœur n'est pas suffisamment ouvert, ils n'acceptent pas la législation. فَيَسْعُبُ عَلَيْهِ الْقِيَامِ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Donc, il lui est difficile d'accomplir ce que Allah Ta'ala lui a ordonné. وَيَسْعُبُ عَلَيْهِ اجْتِنَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ. Il lui est difficile de délaisser ce qui lui est interdit. Il suit sa passion. Pourquoi? Parce que son cœur n'est pas suffisamment ouvert pour accepter la législation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. وبعض الناس تجدهم لا يصبرون على ما أصابهم. Et certaines personnes, tu vois que ils n'arrivent pas à patienter, ils n'arrivent pas à endurer face aux épreuves qui les touchent, qui les atteignent. يصعب عليهم ذلك. C'est difficile pour eux. أما من شرح الله صدره لقبول ما قدره الله تعالى فتجده دائما في سرور. Tandis que celui dont Allah tabaraka wa ta'ala a ouvert sa poitrine, a ouvert son cœur pour accepter le décret d'Allah azza wa jal, alors cette personne, tu la trouveras toujours dans le bonheur, toujours, peu importe les épreuves qui te touchent. Cette personne sera toujours satisfaite du décret d'Allah tabaraka wa ta'ala et donc sera toujours dans le bonheur. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la situation du croyant est surprenante, toute sa situation est un bien. وليس ذلك إلا للمؤمن. Et cela, ce n'est que pour le croyant. فإن أصابته ضراء صبر فكان له خير. Et si c'est un mal qui le touche, il endure, il patiente, alors c'est un bien pour lui. وإن أصابته ضراء شكر فكان له خير. Et si c'est un bien qui le touche, alors il remercie son Seigneur et au final, c'est un bien pour lui. فالله تبارك وتعالى شرح للنبي صلى الله عليه وسلم صدره. Et donc Allah تبارك وتعالى, il a ouvert la poitrine du prophète صلى الله عليه وسلم, il a ouvert son cœur. فإن كنت ترى أن الطاعة ثقيلة عليك فَدَعُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ أَنْ يَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. Et donc si tu vois que l'obéissance, les actes d'adoration sont difficiles pour toi, si tu vois que c'est difficile, alors invoque Allah Tabaraka wa Ta'ala, implore-le d'ouvrir ta poitrine, afin que ton cœur accepte la législation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Celui dont Allah veut le guider, alors il ouvre sa poitrine pour l'islam. Il a la poitrine, il a le cœur ouvert. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُرِدِ اللَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Alors, et celui dont Allah il veut l'égarer, car Allah connaît cette personne. Il ne fait injustice à personne. Il sait que cette personne ne mérite pas d'être guidée. Cette personne ne veut pas la guider. Alors cette personne-là, Allah tabaraka wa ta'ala, va renfermer sa poitrine. Elle aura la poitrine serrée. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit, après cela, wa wada'na 'anka wizrak. Et nous avons déchargé, et nous t'avons déchargé de ton fardeau. Ton fardeau ici, c'est donc tes péchés. فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ غَفَرَ ذُنُوبَ نَبِيِّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et donc Allah, تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ, il a pardonné les péchés de son prophète. Et ça, c'est très important. C'est très important, les frères. Allah, تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ qui dit إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Certes, nous t'avons accordé un secours éclatant, afin que Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. Tes péchés passés et futurs. فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ غَفَرَ ذُنُوبَهُ الْمَاضِيَ وَالْمُسْتَقْبَلَ. Allah a donc pardonné ses péchés passés et futurs, comme je l'ai cité. وَهَذَا خَاصٌ بِالنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et ça, c'est spécifique, c'est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que les péchés passés et futurs soient pardonnés. Amma ghayruhu min al-mu'minin faqad yaghfiru Allahu lahu aw la. En ce qui concerne les autres, en ce qui concerne les croyants, alors il se peut que Allah tabaraka wa ta'ala leur pardonne ou pas. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est sûr qu'il lui a pardonné ses péchés. Wa fi hadha al-amr ayyuha al-ikhwa mas'ala muhimma. وهي ما عليه أهل السنة والجماعة أن الأنبياء والرسل قد يقعون في الذنوب الصغائر دون الكبائر. Il y a en cela, oh mes frères, un sujet très important, un sujet donc chez أهل السنة والجماعة, qui est que les prophètes et les messagers, ils peuvent tomber dans les péchés. Les prophètes et les messagers peuvent tomber dans les péchés, mais les petits péchés et pas les grands péchés. Que zina ou al-kadhib. Et donc ils ne peuvent pas tomber donc dans les grands péchés tels que la fornication, le mensonge. Wa ghayr dhalik. Li'anna wuqu'ahum fil kaba'ir ta'nun fir risala. Car le fait que le prophète il tombe dans les grands péchés, ça c'est une critique. C'est une critique envers donc le message, ar-risala, wa huwa ta'nun fil mursil. C'est aussi une critique envers celui qui a envoyé le messager, même chez les hommes. Chez les hommes, prenons par exemple, on a Yassine qui s'absente. Il s'absente, il a un voyage important. Et il nomme comme responsable un des frères de la mosquée. Il le nomme comme responsable. C'est toi, mon absence, c'est toi qui t'occupes de la mosquée. Et le frère, pendant qu'Yassine est absent, le frère, il fait n'importe quoi. Au salawat, les mosquées, elles sont, la mosquée, elle est fermée. Le Eden, il va, il se met en haut de la rue, il fait le Eden là-bas, etc., etc. Tout ce qu'il ne faut pas faire, il va faire. Les gens, ils vont dire quoi? Ils vont dire, mais pourquoi Yassine, il a mis ce frère-là? Pourquoi Yassine, il a mis ce frère-là comme responsable? Pourquoi? Et donc, c'est une critique envers celui qui a choisi cette personne. Le fait de dire que les messagers peuvent tomber dans les grands péchés, c'est une critique envers Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait de dire qu'il a mal choisi ses prophètes et ses messagers. Or, Allah tabaraka wa ta'ala choisit bien ses prophètes et ses messagers. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit Allahu yastafi min al malaikati rusulan wa min al nas. Allah choisit parmi les anges des messagers. Parmi les anges, il y a des messagers. Et aussi parmi les hommes. Il les choisit. Yastafi. Et aussi Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah est le plus connaisseur de là où il place son message. Il sait très bien où il place son message. Il choisit bien ses messagers. Tabaraka wa ta'ala. Farrasoul ma'soumun min al-wuku'i fil kabair. Likawniha tunafi makarim al-akhlaq. Et donc le prophète, il est exempt, préservé de tomber dans les grands péchés, car ces grands péchés sont contraires au bon comportement que doit avoir le prophète. لَكِنَّهُ قَدْ يَقَعُ فِي السَّغَائِرِ لِكَوْنِهِ مِنَ الْبَشَرِ. Cependant, ce prophète, il peut tomber dans les petits péchés, car il fait partie des êtres humains. C'est un être humain. تَأَمَّلُوا أَيُّهَا الْإِخْوَى هَذِهِ الْآيَةِ فِيهَا إِثْبَاتُ فيها الإثبات بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في بعض الذنوب وغفر الله له. Méditez sur ce verset, ô mes frères. Il y a dans ce verset le fait d'affirmer que le prophète صلى الله عليه وسلم est tombé dans certains péchés et que Allah تبارك وتعالى lui a pardonné. وبعض الناس اليوم certaines personnes aujourd'hui, Allah al-Musta'an, elles rejettent le fait qu'elles tombent dans des péchés. Tu l'entends dire, je ne désobéis pas à Allah, je ne tombe pas dans les péchés. Je ne fais pas d'injustice. Il dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Kullu bini Adam khatta. Tous les enfants d'Adam commettent des péchés. Et les meilleurs parmi ceux qui commettent des péchés, ce sont ceux qui se repentent. Est-ce que tu es mieux que les prophètes pour oser prononcer cette parole? Es-tu meilleur qu'eux? Alam tasma qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam alladhi dhakarnahu lakum? N'as-tu pas entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous venons de citer? Tous les enfants d'Adam commettent des péchés. Lidha qala al-allamatu ibn al-Uthaymeen rahimahullah laysa ash-sha'nu fi man la ya'si wa innama ash-sha'nu fi man yughfar lahu. C'est pour cela que le savant Ibn al-Uthaymeen, rahimahullah, il dit, ce qui est important, ce n'est pas de savoir qui ne pêche pas. C'est pas ça que tu dois chercher, qui ne fait pas de péché, qui ne commet pas de péché. Mais la chose la plus importante, c'est à qui il est pardonné. À qui ses péchés sont pardonnés. C'est ça. Voilà l'endroit où tu dois essayer d'aller. Faire partie de ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala a pardonné leurs péchés. فَأَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ عَلَيْكَ بِالْأَسْبَابِ الَّتِي بِهَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ ذُنُوبَكَ. Et donc toi, ô serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala, accomplis les causes qui vont faire que Allah tabaraka wa ta'ala pardonne tes péchés. Nous devons méditer sur cela, ô chers frères. Ne pas t'enorgueillir, te sentir mieux que les autres. On fait tous des péchés. On commet tous des péchés. Et ça, c'est contraire à la croyance donc, des chrétiens. Les chrétiens qui, eux, vont critiquer les messagers et qui vont voir que les messagers peuvent tomber dans les grands péchés. Voilà pourquoi ils n'ont pas ce respect que nous avons pour les prophètes et les messagers. Par contre, ils vont avoir un grand respect pour leurs leaders, les prêtres et autres qui, eux, ne peuvent pas tomber dans les grands péchés, selon eux. Quelle belle croyance que cette croyance musulmane. Pas d'exagération chez qui que ce soit. Pas d'exagération. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous appelle même à ne pas exagérer le concernant. Comme les chrétiens ont exagéré sur Isa ibn Maryam. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak » Et certes, nous t'avons déchargé de ton fardeau, ce fardeau qui accablait ton dos. فهذه الذنوب كانت ثقيلة على النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره. Ces péchés étaient lourds pour le prophète صلى الله عليه وسلم, lourds à porter sur son dos. Les savants ils disent al-inqad, le verbe qui a été utilisé, anqad dhahrak, le verbe qui a été utilisé al-inqad, ils disent huwa sawt الحاصل من ثقل الحمل. Ils disent c'est le son qui est produit lorsque quelque chose de lourd est porté, comme lorsque ça craque. On porte quelque chose, c'est lourd, ça craque, ton dos qui craque. Et donc les péchés du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient lourds, très lourds pour lui. فتأملوا يا عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الوقوع في الكبائر فلا يقع إلا في الصغائر ومع ذلك هي ثقيلة على ظهره. Méditez, ô serviteur d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est exempt, il est préservé de tomber dans les grands péchés. Il ne peut tomber que dans les petits péchés, et malgré ça, ces péchés sont lourds pour lui. C'est lourd. Taïb, amma nahnu faqad nafa'u fil ma'asi al-'idham al-kibar wa la nahtamu biha ka'annana ma fa'alna shay'an. Nous, il se peut qu'on tombe dans les grands péchés, les plus grands péchés, et on n'y accorde aucune importance. C'est pas lourd. Comme si on n'a rien fait. Certains savants, ils citent un exemple, ils disent certaines personnes, lorsqu'elles désobéissent à Allah tabaraka wa ta'ala, ce péché, c'est comme une montagne qui vient se poser sur leur dos. Il y en a d'autres, lorsqu'elles désobéissent à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est comme une mouche qui vient se poser sur leur nez. Une mouche qui vient et que tu fais comme ça. C'est pas important. Mali. Et donc, tout ça, pourquoi ? Et disent les savants, da'ful iman, wa kathratil rafla, la faiblesse de foi et la grande insouciance. La personne, il y a beaucoup d'insouciance dans la communauté. Fatajidu ar-rajul ghariqan fil ma'asi, la personne est noyée dans les péchés. Yankulu al-akhbar al-kadhiba ala akhi, il va propager des paroles mensongères sur son frère. Gharikun, yartabu akhi, noyé. Il fait de la médisance sur son frère. Oyajri bainan nas bin namima. Il fait du colportage. Yarsillah azza wa jallaylan wa nahar bilisanihi. Il désobéit à Allah tabaraka wa ta'ala les grands péchés jour et nuit avec sa langue. Quand yasrik, il se peut qu'il vole. Quand yasni, il se peut qu'il fornique. Wa ka'annahu lam yaf'al shay'an. C'est comme s'il n'a rien fait. Aucun péché sur son dos, rien du tout. Walou, il se sent bien. Alhamdulillah, il dort bien le soir. Le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit: Wa anta idha ra'ayta min qalbik al-ghaflata 'an adh-dhunub. Al-ghaflata 'an dhunubik, fa'lam anna qalbaka marid. Il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, toi, si tu vois que ton cœur est insouciant de tes péchés, tu ne te soucies pas de tes péchés. Si tu trouves ça dans ton cœur, alors sache que ton cœur est malade. Sache que ton cœur est malade. Kana Umar Ibn al-Khattab, radiallahu anhu, yakoul. Laytani shajara. Layta ummi lam talidni. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il disait, si seulement j'étais un arbre, si seulement ma mère ne m'avait pas enfanté, kana yakhafu min dhunubihi, il avait peur de ses péchés. Wa huwa khayru hadhihi al-ummah ba'da Abi Bakr, alladhi huwa khayru hadhihi al-ummah ba'da nabiyha sallallahu alayhi wa sallam. Omar, qui est Omar? Il avait peur de ses péchés, alors qu'il est le meilleur de cette communauté après Abu Bakr radiallahu anhu, qui celui-ci est le meilleur de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فمع هذه الدرجة العالية المنزلة العالية كان يخاف من ذنوبه. Malgré ce haut rang, ce haut degré, il avait peur de ses péchés. أما نحن فأنتم ترون. En ce qui nous concerne, nous, alors vous voyez autour de vous. Noyé dans les péchés, c'est comme si on n'a pas fait. Comme si on n'a rien fait. Qui de nous dit, ah, si seulement ma mère ne m'avait jamais enfanté? Qui d'entre nous dit, alhamdoulilah, mashallah. On n'a pas peur. On n'a pas peur de nos péchés. On est fiers de nous. Ar-rajul yaghtar. Yaghtar. Bisalatihi wa siyamihi. La personne est leurrée par sa prière, le fait qu'il prie à la mosquée, par le jeûne, le fait qu'il jeûne tous les deux jours ou autre. Yartar, il est trompé par les actes qu'il fait. Yartaru bi kaunihi arafas salafiyya. Il est trompé par le fait qu'il a connu la salafiyya. Alhamdulillah, j'ai connu la salafiyya, je suis sauvé. Je suis salafi, mashallah, alhamdulillah, je suis sauvé. Ya akhi, ya'lam anna salaf kanu yakhafuna min dhunubihim. Sache, mon frère, que les salafs, les pieux prédécesseurs, ils avaient peur de leurs péchés. Fa khawfu rajuli min dhunubihi min as-salafiyya. Et donc le fait que l'homme ait peur de ses péchés, cela fait partie de la salafiyya. Alors arrête de choisir ce que tu veux comme si tu étais au marché. Comme si tu étais au supérette, tu choisis ce que tu veux. Ah, ça j'aime bien, ça je prends pas, ça j'aime bien, ça je prends pas. Accepte pleinement la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala a cité sa parole, wa rafa'na alaka dhikrak. Et nous avons élevé ta renommée. Ce sujet est très important, notamment à notre époque. Et c'est un sujet, inshallah ta'ala, qu'on va aborder la semaine prochaine. Bi'idhnillahi ta'ala, on va peut-être un peu détailler là-dessus. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa jazakumullahu khayran.